Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Richard Nixon, un président républicain aux politiques progressistes. I, Richard Bilhouse Nixon, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Le jour de son assermentation comme président des États-Unis en janvier 1969, Richard Nixon est loin de se douter que le scandale du Watergate va l'obliger quelques années plus tard à démissionner de son poste au mois d'août 1974. Richard Nixon reste à ce jour le seul président des États-Unis à avoir dû démissionner au cours de son mandat, et malheureusement pour lui, c'est ce que l'on continue aujourd'hui encore de retenir d'abord et avant tout de sa présidence, malgré le fait que son bilan présidentiel ait été plus qu'honorable. Si on fait abstraction justement du scandale du Watergate, mais est-ce possible? Hello Neil and Buzz. Hello Neil et Buzz, je vous parle par téléphone du salon ovale de la Maison Blanche, et c'est certainement l'appel téléphonique le plus historique qui ait jamais été fait. Je ne peux pas vous dire combien nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. Pour chaque Américain, il faut nécessairement que ce soit le jour le plus plein de fierté de notre vie, et pour toutes les populations du monde qui se joignent à moi, je ne peux pas vous dire combien un haut fait extraordinaire cela est. En raison de ce que vous avez fait, les cieux sont devenus partie du monde de l'homme. Et au moment où vous nous parlez de la mer de la tranquillité, cela nous inspire à redoubler d'efforts pour apporter la paix et la tranquillité sur la Terre. Richard Nixon, en pleine communication avec l'équipage d'Apollo 11, au moment où les Américains viennent de poser le pied sur la Lune en juillet 1969. Nixon est à ce moment-là président des États-Unis depuis quelques mois seulement. Pour nous parler de la présidence de Richard Nixon, je reçois Karine Prémont, collaboratrice régulière de l'émission, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Globalement, on va faire deux émissions complètes sur Richard Nixon. On va parler de la politique intérieure de Nixon aujourd'hui. Mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre, si je puis dire, globalement, en quelques mots, quel genre de président il a été, Richard Nixon? Richard Nixon a été un président compliqué. Richard Nixon a été un président pour qui tout était calcul, tout était stratégie. Et donc, ça va le mener à poser des gestes à la fois extrêmement audacieux, en termes positifs, là, évidemment, et en même temps extrêmement négatifs, voire illégaux dans plusieurs cas. Donc, ce sont des caractéristiques personnelles qui vont le tirailler sans arrêt entre la bonne chose à faire et la mauvaise méthode pour y parvenir. Il y a des analystes, d'ailleurs, qui diront de Nixon, il y avait deux Nixon. Il y avait le bon et le mauvais Nixon. Ouais. C'est à ça qu'on assiste durant toute sa présidence. Oui. Sur le plan de la politique intérieure, cette émission-là va être consacrée à la politique intérieure de Richard Nixon. Comment, encore une fois, en un mot, en une idée, comment résumer cette politique intérieure? C'est une politique intérieure qui est plutôt progressiste et qui est plutôt, je vous dirais, ouverte, en particulier pour un républicain des années 70. On parle d'un président qui est arrivé après la grande société de Lyndon Johnson. Et donc, étonnamment, il ne va pas démanteler la Great Society. Il va plutôt même renforcer certains éléments de ce projet plutôt progressiste. Il faut dire que Nixon n'a pas beaucoup d'intérêt pour la politique intérieure. Alors, ça va l'amener à faire des compromis plus facilement. Les démocrates contrôlent les deux chambres au Congrès pendant toute sa présidence. Alors, forcément, encore une fois, il y a cette obligation de compromis. Mais Nixon va intégrer dans son cabinet des démocrates, des progressistes, parce qu'il est, à cette époque-là, les républicains, comme Richard Nixon, sont convaincus que le gouvernement a un rôle à jouer dans la vie des Américains, alors qu'aujourd'hui, les républicains ne tiennent pas du tout ce discours-là. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui va être intéressé à améliorer la vie des Américains globalement, même si c'est à une échelle beaucoup moins grande que les démocrates le souhaitaient, par exemple. Et ce que vous allez peut-être découvrir en nous écoutant dans cette émission, c'est que même si quand on pense à Richard Nixon, on pense d'abord au Watergate, mais aussi beaucoup aux politiques étrangères de Richard Nixon, il y a dans ce bilan, sur le plan des politiques intérieures, vraiment des choses étonnantes. On va les énumérer au cours des minutes qui viennent. Mais un mot d'abord sur le contexte dans lequel Richard Nixon arrive à la Maison-Blanche. On en parle dans un instant, Karine Prémont, mais on écoute d'abord un reportage de la télévision française, le jour du discours d'investiture de Richard Nixon comme président des États-Unis, le 20 janvier 1969. Après une période de confrontation, nous entrons dans l'ère de la négociation. que toutes les nations sachent que, durant mon administration, nos lignes de communication demeureront ouvertes. Jean-Claude Eberle, vous êtes en direct avec nous à Washington. Le discours de M. Nixon a été un discours assez bref. Il a duré à peu près 15 minutes. Oui, on peut dire d'une façon générale que c'est un discours mesuré. Richard Nixon a laissé clairement entendre que sa doctrine, si l'on peut dire, en termes essentiels, conduirait à tâcher de rétablir la paix, par exemple au Vietnam ou au Moyen-Orient, et à tâcher de négocier avec l'Union soviétique, par exemple, en position de force, cependant, selon la bonne tradition républicaine. Pour ce qui concerne les problèmes intérieurs de l'Amérique, M. Nixon leur applique le même slogan que durant sa campagne, c'est le thème de l'unité à refaire, à rétablir entre les races, entre les différentes classes sociales ou politiques. Richard Nixon, visiblement, veut être le président de tous les Américains, et il faut dire que son mandat, à cet égard, ne s'ouvre pas sous les meilleurs auspices, puisque l'administration Nixon, vous le savez, a beaucoup de mal en ce moment à recruter des Noirs aux postes clés des agences gouvernementales, et puisque tout à l'heure, déjà, des incidents ont marqué les rassemblements de foule dans le centre de la capitale. Quelques centaines de yippies portant des pancartes hostiles à la guerre de Vietnam ou affichant des slogans du style « Le gouvernement Nixon est un gouvernement de milliardaires » ont dû être dispersés par la police. Il y a eu quelques arrestations. Quel est l'état d'esprit général? On en a un petit aperçu, Karine Prémont, mais l'état d'esprit général, le climat ambiant aux États-Unis au moment où Richard Nixon accède à la Maison-Blanche. Richard Nixon arrive à la fin de la décennie probablement la plus tumultueuse de l'histoire des États-Unis. Les années 60 vont voir la convergence des protestations de toutes sortes. Guerre du Vietnam, mouvement des droits civiques, c'est un peu ce qu'on entendait dans l'extrait. Ça brasse. Donc, ça brasse beaucoup. Les gens sont extrêmement insatisfaits. Donc, on a l'impression que cette guerre du Vietnam est un poids terrible. On a l'impression que le gouvernement nous amène dans un cul-de-sac. Et à l'intérieur aussi, ça va pas bien. L'économie va pas bien parce que, effectivement, la guerre du Vietnam draine les ressources, évidemment. Les mesures de Johnson, les mesures sociales coûtent très cher. L'économie chancelle beaucoup. Décennies de violence politique sans précédent aux États-Unis. 4 assassinats politiques dans les années 60. Martin Luther King, John F. Kennedy avant lui. Il y a aussi Malcolm X et Robert Kennedy pendant la campagne présidentielle. Donc, on est dans un climat extrêmement violent, extrêmement dur, où le taux d'insatisfaction est élevé. Et Nixon doit justement réussir à réunir tous ces gens-là, les faire travailler ensemble. Et Richard Nixon étant lui-même très divisif, très polarisant, ça va être difficile. Ouais. Mais il va avoir, quand on regarde ça de plus près, étonnamment dans la mesure où on ne le voit pas, ce Nixon-là, avec le temps, on dirait qu'on l'a perdu de vue, encore une fois, beaucoup à cause de Watergate, mais ce républicain-là, vraiment, va faire une différence avec des politiques sur le plan intérieur très progressistes. Mm-hmm. Juste en regardant la question des femmes, on peut déjà s'étonner énormément de progrès sous l'administration Nixon. Oui, parce que Nixon, ce qu'on oublie, c'est que c'est un centriste, c'est surtout un pragmatique. Alors, à partir de ce moment-là, il va faire toujours, comme je disais, ses calculs politiques, et il va se rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles ça ne vaut pas la peine de se battre, parce que c'est le cours de l'histoire, puis c'est la normalité des choses. La question des femmes, notamment, est un bon exemple de cela. Il va mettre en œuvre des politiques pour mettre fin à la discrimination contre les femmes, en particulier dans les institutions scolaires. Oui. Dans les activités sportives, par exemple, ce qu'on se rend compte, c'est que les équipes sportives masculines sont beaucoup plus financées que les équipes sportives féminines. Alors, il va mettre un terme à ça en utilisant différents projets de loi et ça va avoir un impact considérable, non seulement dans la participation des femmes au sport universitaire, par exemple, mais à la présence même des femmes dans les universités. Donc, ça va avoir un impact majeur sur la suite des choses. Et c'est surtout quelqu'un qui va encourager, obliger même le gouvernement fédéral à embaucher plus de femmes dans les emplois non conventionnels, au service secret, au FBI, par exemple. Il va aussi être nommé des femmes dans des postes de haute dirigeante de l'armée. Il va nommer 6 générales féminines. C'est une petite révolution, c'est ça. C'est une petite révolution. L'époque. Il va même nommer des femmes au conseil économique. Et il n'y en a pas à l'époque. L'économie, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Et apparemment, à cette époque-là, on jugeait que les femmes n'étaient pas en mesure de prendre ce genre de décision. Donc, il va ouvrir les portes du gouvernement fédéral aux femmes, et ça, c'est particulier. Sensibilité, encore là, il peut nous étonner à cette époque-là. Sensibilité, par exemple, à la question autochtone. Oui, parce qu'il a eu un entraîneur au collège qui était autochtone et qui était très fier de ses racines, très fier de son héritage culturel. Alors, Nixon est déjà sensibilisé. Il faut dire aussi que Nixon, c'est un Quaker. Alors, il a des valeurs morales, je vous dirais, particulières pour son époque aussi. Et donc, il va mettre fin à l'assimilation forcée des Autochtones aux États-Unis. Il va aussi favoriser une très grande autonomie des tribus autochtones, en particulier dans la gestion des fonds fédéraux. Ouais. Va mettre en œuvre des programmes de développement économique et va permettre aussi de rendre des terres à des tribus, en particulier au Nouveau-Mexique. Donc, il aura un discours extrêmement ouvert sur cette question. Sur le plan de l'environnement, un bilan vraiment remarquable. Oui. Si on avait à donner quelques mesures, parce qu'il y aura des mesures très, très importantes qui sont adoptées sous l'administration Nixon, quelques mesures adoptées justement par Nixon qui touchent les questions environnementales. Bien, d'abord, il va établir une politique environnementale nationale. Donc, il va dire bien, il faut protéger notre environnement. Il y a quelques catastrophes là, assez particulières qui surviennent aussi dans les années 69-70. Alors, ça va vraiment lui ouvrir l'esprit sur ces questions-là. Il va aussi créer l'Agence de protection de l'environnement, la EPA. Il va aussi créer le département des ressources naturelles. C'est des gros morceaux, ça, aujourd'hui. Encore aujourd'hui, qui existent et qui vont transformer, justement, les questions environnementales. Il y avait quelqu'un au sein de l'administration Nixon qui mettait déjà en garde les gens contre les dangers du réchauffement climatique. Alors, on a déjà ce discours-là. Évidemment, il y a des mouvements écologistes aussi là, qui l'entraînent à aller toujours un peu plus loin. Et il va permettre l'adoption de différentes lois pour protéger la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Il va mettre quelques vétos aussi parce qu'il sent la crise de l'énergie arriver. Ouais. Alors, il va être un peu frileux rendu dans les années 72-73, mais ça va être un précurseur sur ces questions. Il y a un petit mystère quand même qui plane. Vous le disiez un peu plus tôt, le Congrès, pendant toute la présidence de Nixon, le Congrès, les deux chambres sont à majorité démocrate, donc en principe des gens qui veulent des mesures progressistes. Pourtant, deux des projets de loi les plus progressistes que va présenter Nixon vont être bloqués par les démocrates. De quel projet de loi on parle et pourquoi ce blocage démocrate? Bien, d'abord, une assurance santé pour les plus démunis. Alors, on est vraiment bien avant notre temps à ce moment-là. Et aussi une réforme de la sécurité sociale qui permettrait aux familles pauvres d'obtenir des allocations familiales là, de façon un peu plus étendue. Et ça va être bloqué. Bon, évidemment, les républicains conservateurs n'étaient pas très chauds à l'idée de ces projets-là. Mais les démocrates vont bloquer ces projets-là parce qu'on veut éviter que Nixon reçoive le crédit. On veut éviter que Nixon soit perçu comme étant plus progressiste qu'eux. Et on est vraiment à une ère de guerre culturelle. On est vraiment à une ère de clash partisan assez spectaculaire. Ouais. Et Nixon, les démocrates le détestent depuis très longtemps et veulent éviter que Nixon en tire avantage. Ouais. Bon, Nixon, ce n'est pas que ce côté progressiste, c'est aussi un côté plus conservateur. On y vient dans un instant, mais aussi, parfois, c'est tout à côté du conservatisme, un côté populiste. Franchement, populiste, comment ça va s'exprimer, ce côté plus populiste de Richard Nixon? Avec le thème « La loi et l'ordre ». C'est Nixon va faire campagne là-dessus. On l'entendait dans l'extrait, c'est l'unité parce qu'on est dans une période tumultueuse. Je rappelle que dans les années 70, il y avait en moyenne 2000 attentats à la bombe aux États-Unis par année. Là. Ça faisait généralement pas de morts, pas de victimes humaines, mais on était dans un climat là, de criminalité importante, de violence importante. Et donc, Nixon va vouloir rétablir l'ordre, va être le candidat de la loi et l'ordre et va utiliser effectivement un discours là, sécuritaire pour amener les gens à le suivre sur cette voie. Un des grands chantiers qu'il va lancer, puis d'autres présidents vont le suivre, c'est cette fameuse guerre anti-drogue. Mm-hmm. Ça va être important là, dans ces politiques populistes et plus conservatrices, loi et l'ordre. Oui, la guerre à la drogue dès 1971, parce qu'il faut rappeler que 20% des soldats qui revenaient du Vietnam avaient développé une dépendance à la drogue. Alors, c'était un problème de santé publique à ce moment-là. Et Nixon va avoir une approche assez intéressante de s'attaquer à la fois à l'offre, donc la criminalité, et va créer, par exemple, la Drug Enforcement Agency en 73 là, pour justement faire la lutte aux criminels qui font le trafic de drogue. Mais aussi et surtout, il va s'attaquer à la demande. Il va développer et permettre la création de programmes fédéraux de traitement à la méthadone, par exemple, qui était plutôt controversé à l'époque. Mm-hmm. Et au final, ils vont investir davantage dans ces programmes de traitement que dans les lois qui vont renforcer les règles. Donc, il va beaucoup s'attaquer à ce problème-là parce que pour lui, c'est de la santé publique carrément. Ouais. Autre signe très tangible de son côté plus conservateur, c'est un des présidents qui va nommer beaucoup de juges à la Cour suprême. Oui. Et là, on voit bien cette marque plus conservatrice. Oui, il va nommer 4 juges à la Cour suprême. Alors, c'est quand même beaucoup, en peu de temps. Et ce sont 4 juges conservateurs, évidemment. Et ce sont des juges qui vont polariser les débats sociaux dans les décennies qui vont suivre et qui voteront pas toujours du côté conservateur par ailleurs. Il y a le juge Rehnquist qui lui sera très conservateur, mais il y aura le juge Blackmun aussi qui lui va voter en faveur de Roe and Wade, de la loi sur l'avortement en 73. Donc, mais ce sont des juges qui vont avoir un impact généralement conservateur sur les décennies qui vont suivre. Ouais. Les bémols, il y en a quelques-uns. Le gros bémol, on y reviendra, c'est Watergate, mais il y a d'autres bémols importants. Un boulet, dans le cas de l'économie, on peut parler d'un boulet que va traîner avec lui Richard Nixon tout au cours de sa présidence. Ça va très mal économiquement à l'époque où Nixon est président. Ça va très mal. On est en situation de stagflation, donc une situation où l'inflation et le chômage sont très élevé. Le taux de chômage va doubler sous Nixon. L'inflation sera à 12 % quand il quittera la Maison-Blanche. Il va essayer de faire son possible. Le président de la Réserve fédérale va le pousser aussi un peu, va l'obliger à geler les salaires des employés fédéraux, mais il y aura grève, alors il y aura à gérer tout ça. Et en 71, il va développer une nouvelle politique économique qui implique le gel des prix, la baisse des taxes, l'imposition des importations. Donc, une série de mesures qui vont avoir des effets à court terme et qui vont être surtout très populaires. Mais c'est la crise pétrolière de 73 qui va rattraper l'économie américaine. Les mesures progressistes, justement, qu'il a mises en place vont aussi gruger progressivement le budget. Et donc, il se sortira pas de cette crise économique. Et il y aura récession, là. Carter, dans les années, à la fin des années 70, va être dans cette situation-là aussi qu'il a hérité de Nixon. Il va, lui aussi, donc, en payer chèrement le prix politiquement. Ça va l'achever, le président Carter, cette situation économique un peu plus tard. Autre bémol dans la présidence de Nixon, on disait c'est un président qui a été très progressiste, qui s'est un peu inscrit dans la continuité de ce qu'avait fait Lyndon B. Johnson. Mais sur la question de la situation des Noirs, c'est quand même un bilan mitigé. C'est un peu compliqué avec Nixon parce que il faut d'abord faire la part des choses entre le discours qu'il tenait, justement ce discours populiste. On se rappelle que Nixon voulait élaborer une stratégie sudiste. Il voulait absolument gagner le Sud parce qu'il considérait que c'était vital pour sa survie politique, pour l'élection de 1972 en particulier. Donc, il voulait pas avoir l'air trop en faveur du développement des droits civiques, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait beaucoup appuyé ces mesures-là quand il était vice-président sous Eisenhower. Il avait rencontré Martin Luther King, avait trouvé que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais là, le jeu politique, le calcul stratégique va embarquer. Donc, il jouera un peu le chaud et le froid, il soufflera un peu le chaud et le froid sur cette question-là. Il va, par exemple, favoriser la discrimination positive au sein du gouvernement fédéral pour permettre aux Afro-Américains d'occuper davantage de places, davantage d'emplois. Il va donner un peu plus de dents aussi au département de la justice pour poursuivre les employeurs qui font de la discrimination à l'égard des Afro-Américains. Mais en même temps, il va se positionner contre l'intégration forcée, le buzzing, comme on dit, c'est-à-dire le transport des enfants d'un quartier à majorité blanche ou noire vers un autre quartier pour favoriser cette intégration. Ouais. Il va dire que de forcer ça, c'est aussi mal que la ségrégation elle-même. Donc, il y aura un discours très ambigu sur cette question-là. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, ses succès sont difficiles à mesurer, d'autant plus que l'impact des politiques de LBJ vont également commencer à se faire sentir pendant sa présidence. Ouais. Alors, qu'est-ce qui lui revient? C'est un peu difficile donc, à évaluer. Donc, le Nixon plus mitigé, plus complexe. Là, plus calculateur, plus... On en a un bon exemple. Plus insécure aussi sur cette question-là. C'est pas trop quoi faire avec ce boulet-là. Ouais. Et finalement, finit par pas faire grand-chose. Et ce Nixon calculateur est un peu plus sinistre. On y revient. Ça va lui coûter très cher. C'est cette tâche qui va, au fond, prendre toute la place et qui va faire qu'on va oublier tout ce dont on vient de parler. C'est évidemment le scandale du Watergate qui oblige le président Nixon à offrir sa démission en août 1974. Après les discussions que j'ai eues avec des membres du Congrès et d'autres leaders, j'en suis venu à la conclusion qu'à cause de l'affaire du Watergate, je n'aurai probablement plus l'appui du Congrès, appui que je considère comme indispensable pour soutenir des décisions très difficiles et pour m'aider à accomplir mes devoirs dans le sens des intérêts de la nation. I have never been a quitter. Quand je commence quelque chose, je le termine. Abandonner mes fonctions avant la fin de mon mandat est contraire à tous mes instincts. Mais comme président, je dois faire passer les intérêts du pays en premier. Of America first. America needs a full-time president. Les États-Unis ont besoin d'un président et d'un Congrès à temps plein, surtout dans les moments difficiles, pour faire face aux problèmes autant à l'étranger qu'à la maison. Par conséquent, je remets ma démission comme président et elle prendra effet demain à midi. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. 8 août 1974, Richard Nixon annonce aux Américains qu'il démissionne, démission qui devient officielle le lendemain, 9 août 1974. C'est ce jour-là que le vice-président Gerald Ford va devenir président des États-Unis. On a fait une émission entière sur ce scandale de Watergate, Karine Prémont, mais on ne peut pas parler de Richard Nixon sans y revenir. En un mot, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Le Watergate, c'est le cambriolage des quartiers généraux du Parti démocrate dans l'immeuble du Watergate. Et c'était, organisé par l'entourage de Richard Nixon. Et le scandale, en réalité, c'est surtout le camouflage qu'on a tenté de faire, que Nixon lui-même a tenté de faire en voulant empêcher le FBI de poursuivre l'enquête, payer les criminels pour qu'ils se taisent. Donc, tout ces magouilles, en fait, pour étouffer l'affaire. Et c'est ça qui va mener Richard Nixon à la démission. Petite opération très politicienne, très partisane, infiltrer les bureaux des démocrates. C'était plutôt courante à l'époque aussi. Là. Donc, c'est ce qu'on oublie aussi aujourd'hui. Mais qui était inutile dans la mesure où il se dirigeait vers une victoire éclatante qu'il aura, d'ailleurs. Il a gagné une victoire en 72. Il a remporté tous les États des États-Unis, sauf le Massachusetts et Washington, D.C. Alors, il n'avait absolument pas besoin de ça. Ça nous dit quoi, cette affaire-là? Le fait qu'il a été quand même mêlé à ça sur l'homme qu'il était, sur le politicien qu'il était. Ce que ça nous démontre, et c'est ça qu'on voit dans toute la vie personnelle et professionnelle de Richard Nixon, c'est sa profonde insécurité. Toujours convaincu de ne pas être capable d'en faire assez pour être accepté. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Et il va finir par abandonner par ailleurs toutes les politiques progressistes de sa présidence parce qu'il trouve qu'il n'en reçoit pas assez de récompenses, qu'il n'est pas assez loué, reconnu pour ça. Ouais. Alors, il dit, mais à quoi bon alors? Donc, c'est quelqu'un qui est constamment insécure, constamment insatisfait. Et comme je le disais, qui a un flair extraordinaire. C'est un politicien incroyable. Ouais. Mais cette insécurité-là... Auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage. C'est vraiment cette idée de toujours choisir la voie la plus difficile, la plus sinistre possible, pour reprendre votre mot, pour arriver à des fins qui, par ailleurs, étaient tout à fait légitimes. Un peu paranoïaque, je pense. Très seul, hein, il fonctionne. Très seul, oui. Parce que, justement, il fait confiance à personne. Il fait confiance à peine... Il se fait à peine confiance lui-même. Et donc, est convaincu que tout le monde lui veut du mal, qu'il a un paquet d'ennemis, qu'il est seul au monde. Et c'est toujours Nixon contre le reste du monde. Oui, ce qui va donner une catastrophe comme celle-là, le Watergate. Avec le recul du temps, puis on termine là-dessus, mais je le disais dès le début de l'émission, malheureusement pour lui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, ce qu'on retient d'abord et avant tout de cette présidence-là, c'est Watergate. Est-ce que c'est encore le cas? Quel poids ça a, ce scandale-là, dans le bilan qu'on fait de Nixon? Où en sont, par exemple, les historiens américains aujourd'hui par rapport à cette présidence-là? Les historiens et les politologues tentent depuis quelques années de réhabiliter, au moins, de dire qui était Nixon en dehors du Watergate, si on exclut le Watergate de l'équation. Mais c'est impossible. Ouais. Parce que sa façon de faire lors du Watergate, ce sont des façons de faire qu'il avait adopté alors même qu'il était au tout début de sa carrière. Donc, c'est indissociable de la personne de Nixon. Et il y a un dirigeant, un leader du mouvement des droits civiques qui avait dit « Nixon aurait pu être un grand président si ce n'avait été de son plus grand défaut, il croyait en rien. Ouais. » Alors, à partir de ce moment-là, ça devient difficile d'élaborer une politique cohérente, une politique qui a une vision au-delà de la personne même du président. Et ça nous ramène aux considérations politiciennes, purement politiciennes, qu'a été calculatrice. Watergate. Tout à fait. Karine Prémont, c'était fascinant, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.